vois ce voisin toujours sur mon dos, mais tu sers à rien, putain d'écolo. Si on t'écoutait, on pourrait plus chier, parce que ça polluerait ton putain de potager. Tu n'aimes pas les grosses voitures, tu te la pètes sur ton vélo, tu penses toujours au futur, t'es la nouvelle race. Tu n'aimes pas les grosses voitures, tu te la pètes sur ton vélo, tu penses toujours au futur, t'es la nouvelle race bobo. Tu voulais me tuer parce que j'utilisais du papier non recyclé. Je sais plus quoi faire vu la caisse que j'ai. Tu vas m'envoyer direct au cimetière. Tu n'aimes pas les grosses voitures, tu te la pètes sur ton vélo, tu penses toujours au futur, t'es la nouvelle race. Tu n'aimes pas les grosses voitures, tu te la pètes sur ton vélo, race bobo. Mes bandes d'enfoirés, vous êtes vraiment trop cons, car à force de lutter, il y aura plus de pollution. Vous avez trouvé la nouvelle espèce en voie de disparition. Tu n'aimes pas les grosses voitures, tu te la pètes sur ton vélo, tu penses toujours au futur, t'es la nouvelle race. Tu n'aimes pas les grosses voitures, tu te la pètes sur ton vélo.